Musique chantée à l'oreille. J'avais 3 ans et 3/3 lorsque la musique est entrée en moi comme un souffle vivant. J'étais alors sur les genoux de mon père qui jouait du violon pour m'endormir. La tête appuyée contre son cœur, je voyais le va-et-vient de son archet au-dessus de ma tête. On aurait dit qu'il jetait un pont entre le ciel et la terre. Sa musique était le 3e sein auquel je m'abreuvais. Insatiable, je ne trouvais le sommeil que lorsqu'il déposait son archet et s'endormait avec moi. La tête contre son cœur, je l'entendais encore vibrer à la musique qui continuait d'allaiter son esprit. Dès l'âge de 9 ans, j'étais soliste dans la chorale de l'église. Puis, au collège classique, je participais à tous les concours d'amateurs et en gagnais plusieurs en chantant les chansons de Charles Aznavour, Gilbert Bécaud, Jacques Brel et Félix Leclerc. Parmi les chanteurs que j'écoutais dans mon adolescence et qui m'ont beaucoup marqué, il y a d'abord le chant grégorien. Parfait pour stabiliser la voix. Les voix d'opéra pour leur splendide puissance et les voix populaires comme celles feutrées et chaudes de Johnny Mathis. Puis je me suis mis à écouter beaucoup de voix de jazz et de rhythm and blues pour leur sensualité et leur acrobatie rythmique. Ma passion pour l'exploration de la voix m'est venue principalement de Bobby McFerrin, pour son ultime versatilité et son exploitation des registres, des timbres et des rythmes. Dima Sumac, pour son registre de 5 octaves. Des voix bulgares, pour la pureté et la clarté de leurs timbres. Et des chants mongols et tibétains, pour leurs voix graves dont les harmoniques renferment des notes suraiguës fascinantes. Aujourd'hui, je suis toujours impressionné par le registre et la justesse incroyable de la voix de Dimash Kudaibergen. C'est à force d'écouter tous les styles de voix de toutes les cultures que j'ai développé mon propre style vocal. Mon oreille est donc ouverte à 360 degrés sur tout ce que la voix humaine peut produire. Ce qui m'importe dans une voix, c'est qu'elle soit vraie, naturelle, authentique. Ce qui fait la beauté d'une voix, c'est son unicité, son originalité. J'ai toujours considéré que la voix humaine était le premier, le plus économique et le plus beau des instruments de musique. C'est pourquoi, dès mon entrée en scène, la plupart du temps, j'aime faire chanter mon public. La voix du peuple a toujours été pour moi la plus belle entre toutes. Donc, musicien et compositeur autodidacte, toutes mes musiques, je les ai composées directement sur le clavier ou la guitare avec l'aide d'enregistreuses multipistes et avec l'ordinateur. Avec l'aide aussi de plusieurs autres compositeurs qui, eux, savent écrire des partitions à partir de mes enregistrements. C'est dans un récital de poésie à l'Université de Montréal que s'est fait pour moi le passage entre poésie et musique. Je récitais un long poème accompagné par la musique du trompettiste Miles Davis, mon idole, et je me suis mis à improviser vocalement, à faire des mélodies dans mon texte. En cela, je me distinguais de tous les autres poètes. Bien que ne sachant pas écrire la musique, j'ai composé la musique d'environ 70% des chansons de mes 18 disques, dont La Bétatibi, que Claude Vivier, l'un des plus grands compositeurs de musique contemporaine québécoise, a annoté sur papier musique. Comme on dit, je joue à l'oreille. Ayant fait l'écoute de la plupart des styles musicaux, de la plupart des cultures actuelles, classiques et anciennes, mon école, ma seule véritable école, a toujours été l'écoute précise et subtile des œuvres des autres. C'est aussi de ma faculté d'écouter tout type de musique que m'est venu le goût de chanter.